fois je m'enferme, je fume. Je t'avoue que c'est hyper dur. Maman a des envies, mais je peux pas quitter le Tertius. Je mettrai pas mes mains dans ce tube. J'ai tout donné dans ce studio, mais en ce moment je sais que je suis plus le même. Depuis que j'ai vu qui c'était vraiment, et des fois j'y pense. On se fait la guerre, on avance pas, et ça n'a plus aucun sens. Et ça va plus en ce moment, je peux pas te le dire autrement. Je saigne et je sais que tu le vois, mais tu le fais pas comprendre. Après t'as vu, j'ai la haine seule, besoin de personne, j'ai le seum. Quand j'aperçois que mon téléphone sonne, ça merde, je suis dans ma bulle, moi je finis ça rapidement. Écoute-moi et tu verras toi-même le danger. Moi je me suis rangé, je décolle à l'étranger, pas connu le plan B. Et si demain ça marche pas pour moi, seras-tu toujours auprès de moi? Je suis fatigué, je sais que tu le vois. Oublie, je te le dis encore une fois. Et si demain ça marche pas pour moi, seras-tu toujours auprès de moi? Je sais que tu le vois. Oublie, je te le dis encore une fois. Mais je perds la foi, je m'enferme, je fume. Je t'avoue que c'est hyper dur. Maman a des envies, mais je peux pas quitter le Tertius. Je mettrai pas mes mains dans ce tube. J'ai tout donné dans ce studio, mais en ce moment je sais que je suis plus le même. Depuis que j'ai vu qui c'était vraiment, et des fois j'y pense. On se fait la guerre, on avance pas, et ça n'a plus aucun sens. Et ça va plus en ce moment, je peux pas te le dire autrement. Je saigne et je sais que tu le vois, mais tu le fais pas comprendre. T'as baissé dans mon estime, ne me rappelle plus, laisse tomber. Je vois que mon cœur il s'abîme, je sais pas où t'es parti, mais reste où t'es. Je deviens fou, mais poto, qu'est-ce que tu fais? Je fais des soins en couple, sauf histoire de les étouffer. On a tout fait, je savais pas que mes ennemis pouvaient se cacher tout près. Je leur ai tendu la main, ils m'ont coupé le bras. Mais je suis resté brave, à force de t'écouter, les salades, on les connaît. Je perds la foi, je m'enferme, je fume. Je t'avoue que c'est hyper dur. Maman a des envies, mais je peux pas quitter le Tertius. Je mettrai pas mes mains dans ce tube. J'ai tout donné dans ce studio, mais en ce moment je sais que je suis plus le même. Depuis que j'ai vu qui c'était vraiment, et des fois j'y pense. On se fait la guerre, on avance pas, et ça n'a plus aucun sens. Et ça va plus en ce moment, je peux pas te le dire autrement. Je saigne et je sais que tu le vois, mais tu le fais pas comprendre. Mais tu veux pas.